Phrase 1. Ils vont se marier. Phrase 2. Ils vont se marier. Phrase 3. Ils vont se marier. Phrase 4. Ils vont se marier. Phrase 5. Ils vont se marier.